sans présenter auparavant des observations à M. Charlemont. Quelles auraient été ces observations? Le caractère et les idées de Fourcy le disaient à l'avance. Quelle influence auraient-elles exercé? Avec un homme tel que lui, et avec l'autorité qu'il avait dans la maison et sur M. Charlemont, tout était à craindre. Puisqu'il était retenu à Nogent, tout au contraire était à espérer. M. Charlemont serait libre. Chapitre 22. Si grande hâte qu'il eut d'aborder cette affaire et de revenir à Nogent avec les 300 000 francs qu'il avait promis à Madame Fourcy, il ne pouvait pas se présenter trop tôt chez son père, qui n'était point visible le matin. Ce n'était point en effet la coutume de M. Charlemont de coucher dans son appartement de la rue Royale, et son valet de chambre pouvait compter les jours où il avait vu rentrer son maître avant 10 heures du matin. Mais entre 10 et 11 heures, il arrivait régulièrement. C'était même la seule régularité de sa vie, gouvernée en tout par la fantaisie ou le hasard. Et alors on était certain de le trouver procédant à sa toilette ou déjeunant. Cette heure était pour lui la plus remplie de sa journée, car bien qu'il n'employât aucune teinture ni aucune composition plus ou moins infaillible pour réparer des ans l'irréparable outrage, il donnait beaucoup de temps à sa toilette, ayant toujours eu, au plus haut point, le culte de sa personne qu'il soignait avec amour et qu'il admirait complaisamment avec une entière bonne foi. Peut-être n'y avait-il pas à Paris de cabinet de toilette plus vaste, plus confortable que le sien, et où l'on trouvait autant de brosses, de peignes, de fer, de ciseaux, de pinces, d'éponges, de bassins de toutes sortes et de toutes formes, depuis l'argent jusqu'à la faïence. C'était dans cette pièce qu'il donnait ses audiences intimes, autant parce que cela lui était commode que parce qu'une sorte de coquetterie féminine lui faisait prendre plaisir à se montrer avec tous ses avantages pour bien prouver que l'âge n'avait pas de prise sur lui. Quand Robert arriva rue Royale, il trouva son père dans ce cabinet, assis devant une fenêtre, le torse à moitié nu, les jambes nues, se faisant les ongles soigneusement. « Ah, c'est toi ?» dit M. Charlemont, sans s'interrompre. « Je t'ai attendu hier. »« Il m'a été impossible de venir, je vous fais mes excuses. »« Enfin, c'est bon, puisque te voilà. Nous avons à causer, sérieusement. »« Je n'ai rien voulu te dire chez Fourcy, à cause de Fourcy. »« Mais la langue m'a plus d'une fois démangé, car je n'aime pas à retenir ce qui me vient aux lèvres. »« Et ce qui me venait, c'était des reproches. »« J'en ai appris de belles à mon retour. » 100 000 francs dépensés et des dettes ? Robert ne répondit rien. D'abord parce qu'il n'avait rien à répondre, ensuite parce que ce n'était pas le moment de contredire son père. L'argent dépensé, c'est bien, continua M. Charlemont. Je n'insiste pas là-dessus. Tu es jeune et tu as pu te laisser entraîner, bien que cet entraînement conduise à 400 000 francs par an, ce qui est beaucoup, tu en conviendras. Mais des dettes ? Toi, mon fils ? Le nom de Charlemont chez des usuriers ? Cela, c'est trop. Elle t'a donc affolé, cette femme ? Il avait dit ces derniers mots sévèrement, avec mécontentement, presque avec indignation, quoique la sévérité et l'indignation ne fussent guère dans sa nature. Mais il ne put pas continuer sur ce ton. « C'est donc une enjôleuse ? Dit-il. Une femme habile, n'est-ce pas ? Elle est drôle, au moins ? » C'était Robert qui avait pris un visage sévère et indigné. « Drôle ? Si Madame Fourcy était drôle ? Et c'était son père qui lui posait de pareilles questions ?»« Quel âge a-t-elle ? » continua M. Charlemont. « Je la vois blonde, mais elle est peut-être brune, et charmante aussi. Il ne faut pas être exclusif, c'est par le sentiment qu'elle t'a pris, hein ? Ah, la matine savait à qui elle avait affaire. » Robert ne fut pas maître de se contenir plus longtemps. Blême, frémissant, les lèvres serrées, la voix tremblante, il dit « Mon père, je vous prie de ne pas oublier que j'aime celle dont vous parlez. »« Et sacrebleu, voilà bien le mal !» s'écria M. Charlemont, se levant et jetant sur une table les ciseaux et la lime dont il se servait. « Si tu ne l'aimais pas, crois-tu que je m'inquiéterais ? Que tu aies des maîtresses, cela m'est bien égal. Que tu en aies 3, que tu en aies 10, je ne t'en parlerai jamais. Mais que tu en aies une, que tu aimes assez pour faire toutes les folies qu'elle voudra, voilà ce que je ne souffrirai pas, et je te le dis tout net. » Il s'était mis à marcher violemment. Il s'arrêta et, faisant 2 ou 3 tours à pas plus lent, il parut se calmer. « Ne me fais donc pas parler en père de théâtre, » dit-il en revenant au ton familier. « J'ai cela en horreur, positivement. »« Mais que diable, en ton raison, et tâche que ce soit à demi-mot. Je t'ai dit que je ne trouverais pas mauvais que tu uses des maîtresses. Je te le répète, mais à condition que ce ne soient pas des femmes dangereuses. Il y a assez de femmes de ce genre, Dieu merci, et charmantes, tu peux m'en croire, avec lesquelles la liaison d'un jeune homme tel que toi est toute naturelle. Pourquoi n'as-tu pas pris la petite Lisette, auprès de laquelle je t'ai vu tourner il y a quelques mois? C'était tout à fait ton affaire. Très gentille, cette petite, je t'assure, très gentille. Tu aurais fait son bonheur et elle aurait fait le tien. » Robert eut un geste de répulsion. « Non, elle ne te plaisait point, » continua M. Charlemont. « Et la jolie Adèle Pluchart, tu ne diras pas qu'elle n'est pas ravissante, celle-là. » « Je dis que ces femmes ne m'inspirent que le dégoût. » « Eh bien, moi je te dis que celle qui, sous des apparences honnêtes, exploite l'amour d'un jeune homme, d'un enfant pour s'enrichir à ses dépens, ne m'inspire que le mépris. » « Mon père, ah sacrebleu, tu m'exaspères à la fin par ton obstination, autant que par ta raideur. Je tâche de te parler en camarade, en ami, en frère, et tu me réponds sur le ton de la tragédie. Je n'aime pas ça, mais puisque tu ne veux pas me comprendre, je vais être clair et précis. Tu es engagé dans une liaison qui peut te perdre. J'entends qu'elle soit rompue, et tout de suite, j'ai dit. » Il s'établit un silence. En toute autre circonstance, Robert se serait incliné et serait sorti pour courir au plus vite auprès de celle qu'il aimait. Mais en ce moment, ce n'était pas à lui qu'il pouvait penser. C'était justement à celle qu'il aimait et qu'il voulait sauver. C'était à cela et à cela seul qu'il devait être sensible. « Eh bien, » demanda M. Charlemont, « quelles sont tes intentions ?» Il fallait parler, mais comme beaucoup de timides, Robert était résolu et même téméraire lorsqu'il ne pouvait plus reculer. « Je vous ai dit que j'aimais celle dont vous parlez, mais le mot dont je me suis servi rend mal le sentiment que j'éprouve pour elle. Ce sentiment, c'est une passion profonde. C'est une entière possession. Je suis à elle corps et âme. Et pour moi, il n'y a, comme il n'y aura, comme il n'y a eu, qu'une femme au monde, elle. Cela dit, vous comprenez donc, mon père, que je ne peux pas, comme vous l'exigez, rompre une liaison qui est ma vie même. Tu la romperas, ou je saurai bien trouver le moyen de la rompre moi-même. S'il s'agissait d'un caprice, vous pourriez parler ainsi, mon père, mais en réfléchissant à ce que je viens de vous dire, à la grandeur et à la profondeur du sentiment que je viens de vous avouer, il me semble, j'espère, que vous ne persisterez pas dans votre résolution. Plus que jamais. C'est donc un grand crime à vos yeux que l'amour? Pour moi, c'est une grande vertu. En tout cas, c'est un grand bonheur, le plus grand qui soit sur la terre. Et je vous demande, je vous prie, je vous supplie de ne pas me l'enlever. Mais quelle est donc cette femme ? Robert ne répondit pas. Tu vois bien que tu n'oses pas l'avouer. Je ne le peux pas. Parce qu'elle... Mais Robert, pressentant les paroles qu'il allait prononcer, les arrêta vivement. Parce qu'elle a eu foi en mon honneur et que mon honneur me défend de parler. Même à ton père ? Il inclina la tête. Je comprends que ce qui vous indispose contre elle et vous la fait juger à faux, ce sont mes dépenses. J'avoue que les apparences peuvent vous donner raison, mais je vous jure que ce n'est point à son instigation que ces dépenses ont été faites par moi. C'est une femme de cœur, une femme d'honneur, ce n'est point une femme d'argent. Il est vrai que l'argent a pris certaine place dans nos relations, et même qu'il en occupe une en ce moment, qui est considérable, qui est capitale. J'ai contracté des engagements que je dois remplir et pour lesquels je m'adresse à vous. Quels engagements ? Je dois 300 000 francs qu'il me faut payer avant samedi. Mais tu es fou ? Non, mon père, et ce que j'ai à ajouter à cet aveu va vous prouver que je parle et que j'agis raisonnablement. Ce n'est point que vous me donniez 300 000 francs que je vous demande, c'est que vous me les avanciez sur mes revenus, m'engageant à ne dépenser, jusqu'au jour où je vous aurai remboursé ces 300 000 francs, que la somme que vous me fixerez vous-même. N'avez-vous pas là la preuve que ce n'est pas pour mon argent que que je suis aimée, puisque je n'aurai pas d'argent. Et si je suis toujours aimée, n'aurez-vous pas la preuve aussi que celle qui m'aime n'est pas ce que vous croyez ?» À plusieurs reprises, M. Charlemont se passa la main sur le front, comme pour le rafraîchir. « Et à quoi doit servir cette somme ? » demanda-t-il enfin. « À sauver celle que j'aime. »« Et comment ? » ?»« Je ne peux pas le dire. » « Alors, tu t'es imaginé que tu n'avais qu'à venir gaillardement me demander comme cela 300 000 francs pour que je te les donne ?»« Non gaillardement, mais respectueusement, m'adressant à vous parce que vous êtes mon père et parce qu'il me semble naturel de mettre ma confiance et mon espérance en vous, quand mon amour, quand mon bonheur, quand ma vie sont engagés. » « Eh bien, ce n'est pas moi qui les dégagerai. Non seulement tu n'auras pas cette somme, mais encore je ne payerai rien des dettes que tu as pu contracter. » Quand cela sera connu, tu verras si tu peux en contracter de nouvelles. Mon père, vous ne ferez pas cela? Et qui m'en empêchera? Votre cœur auquel je m'adresse, le souvenir de ma mère que j'invoque en vous demandant d'être pour moi aujourd'hui, ce qu'elle serait, vous le savez bien, si elle était là. Une fois dans votre vie, mon père, remplacez-la, je vous en conjure. Sans répondre, M. Charlemont poussa le bouton d'une sonnette, et aussitôt son valet de chambre entra. « Coiffez-moi, » dit-il. Robert resta un moment étourdi, puis au bout de quelques secondes, sans un mot, sans un geste, il sortit lentement. Chapitre 23. Il allait droit devant lui, sans savoir où il allait, l'esprit bouleversé, le cœur brisé. Et quoi ? Il avait fait appel à l'affection de son père, et il n'avait point été écouté. Il avait invoqué le souvenir de sa mère, et il ne lui avait été répondu que par des paroles de colère ou de raillerie. Pourquoi son père le traitait-il ainsi ? Pourquoi ce père, dont les aventures amoureuses étaient connues de tout Paris, se montrait-il impitoyable en présence d'un amour réel? Ne croyait-il donc qu'à la galanterie? Il avait vu, il avait compris quelle était la grandeur de cet amour et il n'avait point été ému. Quel homme était-il donc? Cette question, Robert se l'était déjà posée bien souvent, depuis l'âge où il avait commencé à sentir, ou plus justement depuis l'époque où il avait pu raisonner ses sensations. Pourquoi son père se montrait-il si indifférent à son égard? Pourquoi jamais une parole affectueuse? Jamais une visite au collège? Jamais un dîner à la maison? Jamais une promenade en tête-à-tête? Son père ne l'aimait-il donc pas? Il n'avait donc pas dans sa vie de plaisir une minute, une pensée pour son fils? Avec une nature inquiète et jalouse comme la sienne, affamée d'affection, tourmenté du besoin d'aimer et d'être aimé, ses idées étaient devenues une véritable obsession qui avait attristé sa jeunesse et plus que tout contribué à développer en lui ce caractère susceptible et cette humeur sombre qu'on lui reprochait et qu'il se reprochait lui-même. Mais à qui la faute s'il était ainsi, et non ce qu'il eût voulu être? À qui la faute si toutes les fois qu'il avait fait appel à la tendresse de son père, dans les petites comme dans les grandes choses, elle ne lui avait pas répondu. Enfant, il en avait éprouvé des douleurs désespérées. Maintenant, c'était la révolte qui grondait dans son cœur. Non, son père n'aurait pas dû lui répondre de cette façon. Non, sa mère n'eût point accueilli ainsi sa demande. Ce souvenir lui brisa les jambes. Il était dans les Champs-Élysées, à ce moment désert. Machinalement, il se laissa tomber sur une chaise qui se trouva devant lui, et ses lèvres murmurèrent un mot à peine articulé, un cri instinctif, un appel suprême. « Oh, maman !» Et sur ses mains tombèrent deux larmes chaudes. Mais il ne s'abandonna pas à cette défaillance qui l'avait surpris. Sa mère n'était plus là pour le sauver. Il ne devait compter que sur lui-même. Il se leva et d'un pas ferme, il se dirigea vers Paris. Sans avoir de nombreuses relations, ce qui n'était pas de son âge, il connaissait cependant un certain nombre de personnes riches. Puisque son père n'avait pas voulu lui venir en aide, il s'adresserait à ces personnes. La première chez laquelle il eut l'idée d'aller était un grand industriel qui lui avait toujours témoigné beaucoup de sympathie et pour qui 300 000 francs devait être une bagatelle. Au moment où Robert arriva, ce personnage allait se mettre à table et il fallut que Robert acceptât à déjeuner. Mais quel que fût son désir de se montrer bon convive, il lui fut impossible de manger. « Êtes-vous souffrant ?»« Non, pas du tout. »« Préoccupé alors ?»« Il est vrai. »« Des chagrins d'amour, je parie. » Robert regarda le domestique qui les servait et devant lequel il n'aurait jamais pu se confesser. Cependant, c'était là une ouverture dont il devait profiter. « Je vous conterai cela tout à l'heure, » dit-il. En effet, lorsqu'ils furent seuls, il conta cela et il termina son récit en présentant sa demande. 300 000 francs, mon cher garçon, rien que cela? Je donnerais ma fortune entière, si je l'avais, pour sauver celle que j'aime. Mais vous ne l'avez pas, cette fortune. Malheureusement. Et comment la personne que vous aimez doit-elle cette somme? Pardonnez-moi si je ne vous réponds pas, c'est son secret. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à votre père? La question était dangereuse, Robert le sentit. Mais il ne pouvait pas l'esquiver, et il ne pouvait pas, d'autre part, répondre par un mensonge. « Mon père croit devoir employer la sévérité avec moi. Il m'a refusé. »« Alors, mon pauvre enfant, comment voulez-vous que je fasse ce que votre père n'a pas fait? Il a eu ses raisons pour agir ainsi. Je n'ai pas le droit, vous devez le comprendre, d'intervenir entre vous et lui. »« Mais je ne ferai jamais cela. » Il fallut frapper à une autre porte. Et cette fois, Robert se dit qu'il devait procéder différemment. La somme qu'il avait demandée était évidemment trop grosse. Les raisons qu'il avait données pour expliquer son emprunt n'étaient évidemment pas des raisons pour des gens qui se croient sages. Une femme aimée à sauver, la belle affaire vraiment. Il demanda 50 000 francs pour une dette d'honneur qui devait être payée sans retard. Il n'obtint pas plus les 50 000 francs qu'il n'avait obtenu les 300 000. Il diminua encore sa demande et la fit descendre à 25 000. On lui offrit 50 louis, tout ce qu'on avait. Et encore, était-ce une grande preuve d'amitié qu'on lui donnait là? Pendant toute la journée, il se fatigua à battre les quatre coins de Paris, enfiévré, désespéré, se disant après chaque refus qu'il était fou de s'obstiner, et s'obstinant quand même, persévérant malgré tout. Ne trouverait-il donc pas un cœur généreux qui le comprit? À 6 heures du soir, il prit le chemin de fer pour aller à Montmorency faire une dernière tentative. Et il revint à 8 heures, ayant échoué à Montmorency comme il avait échoué à Paris. Il fallait rentrer à Nogent où elle l'attendait, d'autant plus tourmentée par l'angoisse qu'elle ne le voyait pas revenir. Que lui dire? Et cependant, il fallait qu'il dît quelque chose, qu'il expliquât ce qu'il avait tenté, et comment il n'avait pas réussi. Après les humiliations de la journée, celle-là serait encore la plus cruelle. Il n'avait rien pu, il ne pouvait rien pour elle. Quelle honte et quelle douleur! Ordinairement, le soir, la famille était réunie dans le salon ou bien sur la terrasse qui dominait le jardin. Et c'était là qu'il espérait trouver Madame Fourcy. Mais personne n'était sur la terrasse et le salon était sombre. Que se passait-il donc? Un frisson le secoua de la tête aux pieds, car il était dans un état nerveux où le corps, aussi bien que l'esprit, se laissait farer sans résistance. Une femme de chambre lui donna d'elle-même l'explication qu'il n'osait demander. Monsieur Fourcy, toujours souffrant, gardait la chambre, et Madame Fourcy ainsi que Lucien et Marcel étaient installés près de lui. Il éprouva comme un soulagement à la pensée qu'il ne la verrait peut-être pas ce soir-là. Mais la réflexion lui dit que c'était là une lâcheté à laquelle il ne devait pas s'abandonner. « Si vous avez occasion d'entrer dans la chambre, dit-il, vous annoncerez que je suis rentré. »« Je peux prévenir Monsieur Lucien. »« Non, ne prévenez personne. Faites simplement ce que je vous demande. Et comme je vous le demande, vous m'obligerez. » Il alla s'installer sur la terrasse, décidé à attendre là qu'elle descendît et vint le rejoindre. Il n'eut pas longtemps à attendre. Au bout de quelques minutes, elle arriva, courant plutôt que marchant. « Eh bien ? » demanda-t-elle à voix basse. « Je n'ai pas réussi. » Elle laissa échapper un cri étouffé où il y avait autant de colère que de surprise. Il faut que je vous explique, dit-il, comment... À quoi bon ? Il le faut. Alors suivez-moi dans le jardin, et ne parlez que lorsque je vous le dirai. Ils s'éloignèrent, et lorsqu'ils approchèrent de l'endroit où avait déjà eu lieu leur entretien, elle se tourna vers lui. « Parlez, » dit-elle d'un ton bref. En quelques mots pressés, il dit ce qu'il avait fait, sa visite à son père, ses tentatives auprès de ceux de qui il avait espéré une aide. « Vous êtes naïf, » dit-elle. « Pourquoi ? Comment ? Vous allez demander à des amis de vous prêter 300 000 francs ?»« À qui donc pouvais-je les demander ? » ?»« Il ne fallait pas les demander, il fallait les acheter. Les amis ne prêtent pas leur argent, mais il y a des gens qui vendent le leur. Je vois que vous tenez au vôtre. » « Oh, Geneviève ! Eh bien, quoi ? Vous savez bien que ce que vous dites que j'aurais dû faire aujourd'hui, je l'ai fait hier. » « Mal, sans doute, puisque vous n'avez pas réussi. On ne résiste pas à l'argent. Si vous aviez offert assez, vous auriez obtenu ce que vous demandiez. Ce n'est pas à un homme qui aura un jour une fortune considérable qu'on refuse 300 000 francs quand cet homme est décidé à mettre à cet emprunt le prix qu'il faut. Enfin, il suffit. Je regrette de vous avoir fait perdre votre temps, mais vous regretterez aussi de m'avoir fait perdre le mien. J'ai été folle de croire à vos protestations. » « Oh, ne dites pas cela !»« Et vous deviez aller jusqu'au crime, disiez-vous. Un crime, n'est-ce pas une preuve d'amour ? Ce sont vos paroles, n'est-ce pas ? Et voilà que dans la réalité, vous n'avez pu aller seulement jusqu'à une folie d'argent. » Elle parlait les dents serrées, en paroles sifflantes. « Au reste, cela vaut mieux ainsi, » continua-t-elle. « Je n'aurai pas le remords de vous avoir entraîné à un acte déraisonnable. Rentrons. » Il oublia ses blessures pour ne penser qu'à elle. « Mais qu'allez-vous faire ? » dit-il. « Me sauver moi-même. » « Comment ? » ?»« Cela, c'est mon secret. » Elle fit quelques pas du côté de la maison. « Oh, je t'en supplie, » dit-il, « ne nous séparons pas ainsi. À la honte et à la douleur que j'éprouve de n'avoir pas réussi, n'ajoute pas l'angoisse de l'inquiétude. Que je sache au moins ce que tu veux faire, ce que je dois faire. Ce que vous devez faire, demandez-le à votre amour. Ce que je vais faire, je vous le dirai quand j'aurai vu certaines personnes qui me prouveront, je l'espère, leur amitié d'une façon plus efficace que vous ne m'avez prouvé ce que vous appelez votre amour.